إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 33 dans l'explication de Qurrat Uyun al-Muwahhidin, qui est le charh de Kitab al-Tawhid, le charh du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, le petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et on continue donc dans l'explication du hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, dans lequel il mentionne l'exemple de Moussa alayhi salam lorsqu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala une parole par laquelle il pouvait se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et par laquelle il pouvait l'invoquer. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a mentionné que cette parole c'était La ilaha illallah. Alors à ce moment-là, Moussa alayhi salam a dit: oui, mais cette parole, tout le monde, hein, tous tes serviteurs la disent, hein. Et à ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué que le poids de cette parole de La ilaha illallah, elle était plus lourde dans la balance que le poids des sept terres et des sept cieux et de tout ce qu'ils contiennent comme habitants, tout réuni. Donc le poids de La ilaha illallah dépasse le poids de tout ce qu'il y a dans les sept cieux et les sept terres, hein, et ses habitants réunis. Donc ça nous montre la grandeur et l'importance de cette parole. Là, on a commencé à expliquer les différentes parties de ce hadith. Le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il a donné un petit résumé de l'explication de ce hadith. Et maintenant, on était arrivé à l'explication de Al-I'rab. L'I'rab de La ilaha illallah. L'I'rab, ça fait partie en même temps de l'explication grammaticale de cette phrase et de l'analyse grammaticale, hein, de la phrase. Et quand on dit i'rab en arabe, c'est pour comprendre le rôle que joue chaque partie, hein, chaque élément de cette phrase. Donc c'est pour savoir, hein, la signification ou le rôle de chaque élément qui compose cette phrase et de savoir le rôle qu'elle joue dans la phrase pour arriver à la fin à comprendre le sens et la signification de la phrase elle-même, hein. Et donc si on comprend bien le rôle de chaque élément de la phrase et chaque rôle que jouent ces éléments-là, eh bien on arrive à, hein, comprendre sa signification exacte et sa signification correcte. Parce que si on déforme, hein, les termes ou le rôle de chacun de ces termes qui sont employés dans cette phrase, eh bien, c'est dans ce cas-là que la signification devient déformée. Donc ici, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il a expliqué un petit résumé, il a mentionné de façon très résumée la signification de cette phrase. Il a expliqué en disant: Fala نافية للجنس نفيا عمن إلا ما استثنيا، وخبرها محذوف تقديره لا إله حق إلا الله. Donc c'est ça. Ça c'est une explication vraiment résumée de la signification de la ilaha illallah dans l'analyse grammaticale. Le la qui est au début de la phrase, quand on dit la ilaha illallah, le la, ça c'est une négation en arabe. Quand on dit la, c'est pour, ça signifie en général quand on dit non. Hein? Ça peut être dans le sens de la négation, et parfois dans d'autres situations ou dans d'autres cas, le la sera un la nahiya, hein, un la de l'interdiction. Tandis que ici, c'est un la dans le sens de la négation. D'accord? Et parfois, le la peut être une négation d'une chose spécifique, tandis que parfois, le la peut être une négation d'une catégorie de choses, hein, ou d'un groupe de choses. Hein? Donc, si on dit par exemple, la din illa din al-islam, hein? Il n'y a pas de religion excepté la religion de l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que en réalité il n'y a pas de religion excepté la religion de l'islam. Est-ce que cette phrase elle est vraie? Il n'y a pas de religion excepté la religion de l'islam. Est-ce que cette phrase elle est vraie? Exactement. Si on dit il n'y a pas de religion excepté la religion de l'islam, c'est pas vrai dans le sens que on sait très bien qu'il y a beaucoup d'autres religions qui existent. Mais lorsqu'on dit la din illa din al-islam ou la din illa al-islam, eh bien c'est dans le sens que la din haqq, hein, la din haqqun illa al-islam. Donc ici, le « la », quand on dit « la din », on ne parle pas d'une seule religion en particulier qu'on est en train de nier, mais c'est les religions en général, hein, le sens général des religions qu'on est en train de nier. Donc c'est comme si on disait, hein, que on nie toutes les religions. Mais l'adjectif qui manque ici, quand tu dis « la din », il faut rajouter un adjectif à ce terme de la religion. Et l'adjectif ici, il est sous-entendu. Il n'est pas mentionné, mais il est sous-entendu. Parce que la phrase, elle ne va pas faire de sens, sauf si on la complète par un adjectif qui est manquant ici et qui est sous-entendu. Et ça fait partie de la façon dont les Arabes parlent. C'est-à-dire que lorsque quelque chose est compris, est connu, ils peuvent l'omettre de la phrase. Donc ici, qu'est-ce qui est manquant, c'est le fait que on dit il n'y a pas de religion excepté l'islam, c'est-à-dire il n'y a pas de religion qui est vraie excepté l'islam. Hein? Et quand on dit la ilaha illallah, c'est la même chose. La ilaha ici, ilaha, c'est non pas la négation d'une divinité en particulier, mais la négation de tout ce qui peut être adoré, hein, par l'homme, sans exception. Parce que le terme « ilah » en arabe signifie « al-ma'aboud », ce qui est adoré, ce qui peut être adoré par les hommes. Donc c'est une négation générale. Et il manque un adjectif, hein, à ce qui est « al-ma'aboud ». « Ma'aboud »« ish », hein, « quel ma'aboud ». Parce que si tu dis il n'y a rien qui mérite d'être adoré, hein, mais il faut spécifier, ou bien il n'y a rien qui est adoré, hein, il n'y a rien qui est adoré excepté Allah, il manque quelque chose. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a rien qui est adoré excepté Allah? Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a rien qui est adoré excepté Allah? Non, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que on sait qu'il y a des êtres humains qui adorent des hommes, qui adorent des prophètes, qui adorent des anges, qui adore des djinns, qui adore les étoiles, qui adore la lune, qui adore des idoles, qui adore des statues, qui adore des pierres, des arbres, des roches, qui adorent la mer, il y en a qui adorent la terre, il y en a qui adorent le ciel, il y en a qui adorent toutes sortes de choses en dehors d'Allah. Hein? Il y en a qui adorent des animaux, il y en a qui adorent des êtres humains, il y en a qui adorent toutes sortes de choses, des esprits. Hein? Donc, c'est pas vrai de dire qu'il n'y a rien qui est adoré excepté Allah. C'est pas vrai. Et la preuve, même Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran que les mouchriquins, ils ont beaucoup de aliha, ils ont beaucoup de divinités, hein, ils ont beaucoup de choses qu'ils adorent. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple dans Surat Al-Furqan au début, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. Ils ont pris en dehors de lui, en dehors d'Allah, des aliha. C'est le pluriel du mot ilah. Donc ils ont pris des divinités. Ça veut dire qu'ils adorent des choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Mais la différence entre ces aliha et Allah, c'est que ces aliha, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun. Elles ne créent rien et elles sont elles-mêmes créées. Hein? Wa la yamlikuna li anfusihim ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Et elles ne détiennent pas pour elles-mêmes le pouvoir de nuire ou de profiter quiconque. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا. Et elles ne possèdent pas non plus le pouvoir ou la capacité de faire vivre ou de faire mourir ou de faire ressusciter les morts. Donc, hein, ou de les rassembler au jour de la résurrection. Donc ça veut dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a rien qui est adoré excepté Allah. C'est une phrase incomplète. Il faut rajouter quelque chose. Hein, il faut rajouter l'adjectif qui a été omis ou qui n'a pas été mentionné de façon directe et explicite, mais qui est sous-entendu. Et cet élément qui a été omis et qui n'a pas été mentionné explicitement, c'est l'adjectif haq, encore une fois. Comme lorsqu'on a dit tout à l'heure, il n'y a de religion excepté l'islam, on a dit, c'est-à-dire il n'y a de religion qui est vraie, hein, excepté l'islam. C'est-à-dire, si quelqu'un veut adorer Allah par une religion autre que l'islam, ça ne sera pas accepté de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Et quiconque cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Et la même chose si on dit dans l'autre verset, إن الدين عند الله الإسلام. Et la religion pour Allah, c'est l'islam. Ça veut dire que c'est la seule religion qui sera acceptée d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais ordonner à l'humanité de suivre une religion autre que l'islam. D'accord? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de religion qui soit vraie et acceptée d'Allah, excepté l'islam. Et quand on dit la ilaha illallah, ça signifie qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré, ou il n'y a rien qui est adoré en vérité et qui est vrai, excepté Allah. C'est ça que ça signifie. Hein? Ça c'est le vrai sens de la ilaha illallah. D'accord? Et c'est ça al-khabar al-mahdouf. Parce que là, al-nafiyah, on va l'expliquer en détail, parce que le Cheikh al-Fawzan, il l'explique, hein, clairement, il donne l'exemple, le détail de toute cette analyse grammaticale. Ou bien, disons que, il fait un résumé, c'est encore un résumé, mais ça donne plus de détails que qu'est-ce que le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan a mentionné ici. Donc il dit, wa hadha i'rabu la ilaha illallah. لا نافية للجنس تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر ولهذا يقولون إنها من أخوات إن وتسمى إن وأخواتها وكأن وأخواتها بالنواسخ لأنها نسخت حكم المبتدا والخبر فالأصل في المبتدا والخبر الرفع لكن إذا دخلت عليه إن تغير الإعراب فصار الاسم منصوبا والخبر مرفوعا. إله اسمها مبني معها على الفتح في محل نصب بلا، لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وخبرها محذوف وجوبا تقديره بحق، أي لا إله بحق إلا الله. Donc ça c'est l'explication de l'i'rab, hein, de la ilaha illallah. Et donc ici le cheikh il explique un petit peu des principes de des règles de grammaire de base. N'importe quel musulman qui a étudié al-ajrumiyya, il comprend ces règles-là et il connaît ces règles-là. Parce que c'est des choses vraiment élémentaires dans la compréhension de la grammaire arabe et de l'i'rab. Donc qu'est-ce qu'il explique le cheikh? Il explique que la ilaha illallah, le la qui est au début, c'est un la qui est nafiyatul lil jins. Et hein, ce la là, il joue un rôle spécifique dans la phrase. Et il joue en fait un rôle qui est semblable à inna. Inna, lorsqu'on le met devant une phrase, il change, hein, il change la, comme on dit, l'i'rab de la phrase. Par exemple, si je dis, juste pour vous donner un exemple, Allahu Ghafurun, ou bien je peux même dire Allahu Ghafurun Rahimun. Allah subhanahu wa ta'ala, lafzul jalala, il est marfou' parce qu'il est al-mubtada. Il est marfou', ça veut dire qu'il prend une dhamma à la fin. Allahu ghafurun, ghafur, c'est al-khabar, c'est l'adjectif qui définit ou qui décrit Allah, lafzul jalala. Et il est lui aussi marfou' parce que le khabar il est marfou' comme le mubtada est marfou'. Et Rahim, c'est le deuxième khabar. Donc il est lui aussi marfou', comme le mubtada. Mais si je mets inna devant le mubtada et le khabar, eh bien ça change. Donc je vais dire inna allaha ghafurun rahimun. Donc ici, Allah va devenir le ism de inna. Et il devient mansoub. Il va prendre une fatha. Et le khabar devient marfou'. Il reste marfou' comme il était. Donc tu vas dire Inna Allaha ghafurun rahim. Hein? Inna Allaha ghafurun rahimun. Si c'est kan qui est devant, c'est le contraire. Le ism de kan va devenir marfou'. Et le khabar de kan va devenir mansoub. Wa kana Allahu ghafuran rahiman. Wa kana Allahu ghafuran rahima. D'accord? On appelle kan wa akhawatuha et inna wa akhawatuha, c'est-à-dire inna et ses sœurs et kan et ses sœurs. C'est-à-dire inna, elle a ce rôle lorsqu'il est mis devant le mubtada et le khabar, il le transforme. Et il y a d'autres sœurs. Kan, inna, il a d'autres sœurs, c'est-à-dire d'autres huruf qui jouent le même rôle que lui. C'est-à-dire que si tu vas le placer devant le mubtada et le khabar, elle va agir de la même manière que inna. Et kan aussi. Kan, il a d'autres sœurs qui vont avoir le même effet que lui. Si tu le places devant al-mubtada ou al-khabar, il va agir de la même manière. C'est pour ça qu'on appelle ces hurufs-là, hein, ou ces adawat, on les appelle nawasikh. nawasikh. Pourquoi? Parce qu'il les déforme, il les change, il les transforme. Ok? Et ici donc, la nafiyatul lil jins, c'est pas n'importe quel la qui a cet effet là sur le mubtada et le khabar. C'est seulement le la qui nie une catégorie ou un groupe d'éléments. Hein? Comme on a dit, la din illa l'islam. La dina illa l'islam. La ilaha illallah. Hein? Donc ici, il agit de la même manière que inna. Là, il agit de la même manière que inna, et on l'appelle cela la nafiyatu lil jins. Jins en arabe, c'est une catégorie, une sorte, hein, une espèce ou une race. On peut utiliser ça comme ça. Hein, une espèce, une catégorie, une sorte, hein, une sorte de chose. Ici, la sorte, c'est la sorte des, ou la catégorie des divinités, ou de la divinité, ou bien, si on dit la din, ce serait la religion, et on peut l'employer de différentes façons. La falaha illa fil islam. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès excepté dans l'islam. On peut l'utiliser de plein de façons, hein, dans le sens qu'il y a plusieurs phrases qu'on peut faire avec ça, une infinité de phrases qu'on peut faire avec la nafiyatu lil jins. Donc qu'est-ce qu'il explique le cheikh ensuite? Il dit donc fal aslu fil mubtada wal khabar ar-raf'u. Donc à la base, le mubtada et le khabar est toujours marfou, il va toujours prendre une damma. Mais lorsqu'on fait rentrer in, hein, devant, ça change son i'rab. Et le nom de inna devient mansoub et le khabar devient marfou. Ila, on va dire qu'il est mabni ala al-fath. Mabni ala al-fath, qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelque chose en arabe, il y a deux possibilités qu'un mot soit il peut être mu'arab, soit il peut être mabni. Mu'arab, mabni. Mabni, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est construit d'une certaine façon et que peu importe qu'est-ce que tu vas placer devant, il va pas changer. C'est ça que ça veut dire mabni. Et il peut être mu'arab. Mu'arab, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu vas changer ce qui est devant, il va changer d'arabe. Hein? Comme par exemple le mot kitab. Hein? Bon, tu vas dire par exemple hadha kitabun. Ceci est un livre, il est marfou. Tu vas dire a'taytu ou akhadhtu al-kitaba. Le kitab ici, il est mansoub. Pourquoi? Parce que il est maf'oul bihi. Je l'ai pris, le livre. Donc, il subit l'action. Il subit l'action. Donc, il est maf'oul bihi. Donc, il doit être mansoub. Et si je dis par exemple, katabtu ala al-kitabi. Ici, le kitab, il est majrour. Pourquoi il est majrour? Parce qu'il est précédé d'un harf jar. Harf jar. Et le harf jar, il fait en sorte que ce qui est mentionné après, il va prendre une kasra. D'accord? Donc, le mot kitab, il est mu'rab. Hein? Mais tandis qu'il y a d'autres mots dans la langue arabe qui sont mabni. Si je dis par exemple, sallamtu ala haula, darabtu haula. Il va pas changer, c'est tout haula'i, même si je change qu'est-ce qui est devant. Hein? Unzur ila haula'i. كلمت هؤلاء. Dans les deux sens, quand il devait être mansoub, il reste avec la kasra. Quand il devait être majrour, bon, il était avec la kasra. Déjà, il reste avec la kasra, mais c'est parce qu'il est mabni. Et si je dis un exemple, si je voudrais dire, attends, j'ai pas un exemple. Haoula tullabun. Haoulai tullabun. Donc ici, haoula devrait être marfou, mais parce qu'il est mabni à al-kasr, il va jamais changer. D'accord? Et les ulama de la langue, ils disent que quand le ism de la nafiyatul jins, il est mabni à al-fath tout le temps. Malgré qu'il y a divergence des fois entre les ulama de la grammaire sur ça. Il y en a qui disent non, il n'est pas mabni à al-fath, mais il y a cette position des ulama qui disent qu'il est mabni à al-fath. Parce que le mot ilah ici, il est mabni à al-fath. Mais dans d'autres situations, il peut être mu'rab. En tout cas, disons que quand quelque chose est mabni, est le ism de la nafiyatul jins, on va dire dans son i'rab qu'il est mabni à al-fath fi mahalli nasb. Fi mahalli nasb. Bila, à cause du la. Et on va pas dire qu'il est mudaf ni qu'il est shabihun bil mudaf. Ça, c'est d'autres détails, on peut pas rentrer dans tout ça. De toute façon, même si on l'explique, peut-être que ça va être un niveau, peut-être c'est plus trop compliqué pour la plupart des frères et des sœurs qui écoutent le dars en ce moment. Donc, ensuite, il explique que le khabar de ilah, ou le khabar de la, plutôt, la nafiyatul jins, son khabar, son ism, c'est ilah. On a dit qu'il est mabni ala al-fath, la ilah. Mais son khabar, il est où? Il est où le khabar? La ilaha illallah. La ilaha, il manque quelque chose. Si je dis inna allaha ghafurun, on sait que le ism de inna, c'est lafzul jalala, Allah. Et le khabar, c'est quoi? Inna allaha ghafurun. Donc le khabar de le khabar de inna, c'est ghafurun. Et ça, c'est un adjectif. Il est où l'adjectif de ilah? La ilaha. Il est où l'adjectif de la ilaha? L'adjectif, il est où? Si je dis la ilaha illallah, il est où l'adjectif? Il faut que il faut qu'il y ait absolument un adjectif, un khabar pour la nafiyatul jins. Il faut qu'il y ait absolument un khabar. Et le khabar, il est où? Il est mahzouf. On dit en arabe, il est mahzouf. Et mahzouf, ça veut dire quoi? Il a été omis. Il a été omis. On l'a enlevé. Il n'a pas été mentionné. Et il a été omis obligatoirement. Et son sens, ou sa signification qui est sous-entendue, on dit en arabe son taqdir. Qu'est-ce qui est impliqué ou qu'est-ce qui est sous-entendu par rapport à sa signification? C'est bihaq. Soit tu peux dire haqqun, ou bien bihaqqin. Dans les deux sens, c'est correct. Parce que le khabar, il va être soit un jar et un majrour, ou bien un nom. Bon, tout ça, c'est dans les différentes règles qui sont reliées à la grammaire. Tout ça, si vous regardez dans les explications de Al-Jurumiyya, vous pouvez trouver les explications de ces points-là. Et dans d'autres livres, bien entendu, si vous regardez dans les livres qui sont plus avancé que Al-Jurumiyya, vous allez trouver encore d'autres détails sur cette question. Donc ici, la ilaha bihaqqin illallah, c'est-à-dire il n'y a rien qui mérite d'être adoré en vérité, hein, où il y a rien, en fait c'est, si tu dis il n'y a rien qui est adoré en vérité excepté Allah, il n'y a rien qui est adoré et qui est vrai excepté Allah, c'est ça la signification. Parce que sinon, hein, si tu le traduis tel quel, la ilaha illallah, ça dit il n'y a pas de divinité excepté Allah. Ça veut dire que t'as pas mentionné le khabar dans la phrase. Mais le khabar, il est sous-entendu. Mais il n'est pas écrit. Mais il est sous-entendu. Hein, parce que c'est obligatoire qu'il y ait un khabar. Hein, dans la langue arabe, il faut qu'il y ait un khabar. Non, c'est pas except Allah alone. C'est comme on le traduit en français quand on dit « rien ne mérite d'être adoré » excepté Allah, où rien n'est adoré en vérité excepté Allah, où rien n'est adoré, hein, rien de ce qui est adoré est vrai excepté Allah, hein. Et en anglais on dit nothing is worthy of worship except Allah, ou bien nothing is worthy of being worshipped except Allah. Ou bien tu peux dire nothing deserves to be worshipped except Allah. Ok? Donc ça c'est le sens réel de la signification de la ilaha illallah. Maintenant le cheikh il va réfuter des propos de certaines personnes parmi les groupes d'égarement ou les gens de bid'ah qui ont essayé de mettre ou de donner un autre khabar que bihaq ou haq. Ils ont mentionné ou ils ont dit que ce qui est sous-entendu dans le témoignage de la ilaha illallah, c'est pas haq ou bihaq, mais c'est d'autres choses. Et on va voir les différents exemples qu'ils ont rapportés. Et chacun de ces exemples-là peut être facilement réfuté. Ok? Parce que le terme, quand on dit bihaq, ou la ilaha haqqun illallah, ce sens-là, il est mentionné et expliqué de façon littérale et explicite dans plusieurs versets dans le Coran. C'est-à-dire que ce taqdir, on ne l'a pas inventé. C'est pas un taqdir qu'on a inventé, c'est-à-dire, on a utilisé notre logique ou notre raison pour essayer de déduire ce que c'est ce taqdir. Il est établi dans la révélation, dans les versets du Coran, de façon claire et explicite. Et le cheikh, il a mentionné comme exemple à ce sujet le verset 62 dans Surat Al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. » Donc si quelqu'un te pose la question, mais c'est quoi votre preuve pour dire que le taqdir dans la ilaha illallah, c'est de dire la ilaha haqqun illallah, hein? Eh bien la réponse, c'est un des exemples, ou une des preuves à ce sujet, c'est le verset 62 dans Surat Al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceci est parce que Allah, c'est lui qui est la vérité, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Donc tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, tout ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah est batil, et c'est al-batil, c'est le faux. Wa anna Allah huwa al-aliyul kabir, et que Allah est certes le très haut, le très grand. Donc la divinité, hein, la divinité d'Allah, c'est elle qui est vraie. Et c'est la seule qui est vraie, parce que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. C'est lui seul qui est vrai et qui mérite d'être adoré. Tandis que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah par les êtres humains, peu importe qu'est-ce que cette chose-là peut être, un prophète, un ange rapproché, un prophète envoyé, un messager, ou un djinn, ou un ange, ou une étoile, ou le soleil, ou la lune, ou les idoles, ou les statues, ou les tombes, peu importe qu'est-ce que ça peut être, si c'est adoré en dehors d'Allah, eh bien c'est une divinité qui est fausse et elle ne mérite pas d'être adorée. D'accord? Et il y a beaucoup d'autres versets qui supportent cette explication-là. Maintenant, il y a d'autres explications. Et le cheikh, il le dit. Il dit, « وَأَمَّا مَنْ يَقُولُ تَقْدِيرُهُ الْخَبَرُ مَوْجُودُ hein? أي لا إله موجود إلا الله فهذا كفر وإلحاد لأن الآلهة الموجودة كثيرة منها حق ومنها باطل وقوله لا إله موجود إلا الله هذا مذهب أهل وحدة الوجود حيث يجعل جميع المعبودات هي الله وهذا الكلام فهذا الكلام باطل في إعراب لا إله إلا الله. Donc le cheikh il dit, tandis qu'il y en a qui disent que le khabar qui est mahdouf, ils disent que son taqdir c'est mawjoud. Qu'est-ce que ça veut dire mawjoud? Ça veut dire qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui existe. Hein? Mawjoud ça veut dire existe ou être présent. Quand tu dis par exemple, le professeur dans la classe il va prendre la présence des élèves, hein? Si tu dis le nom de l'élève, Mohammed, tu dis Mawjoud, je suis présent, hein? Ou bien Hadir, hein? Présent, Mawjoud. Ou bien ça peut vouloir dire Mawjoud dans le sens d'exister, hein? D'exister. Donc la phrase, si tu dis La ilaha Mawjoudun illallah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire il n'y a pas de divinité qui existe excepté Allah. Il n'y a pas de divinité qui existe excepté Allah. Ça vous fait penser à quoi comme traduction? Lorsque quelqu'un vous dit il n'y a pas de divinité qui existe excepté Allah, ça, est-ce que ça vous fait pas penser à la traduction de certains prêcheurs lorsqu'ils traduisent? Ou bien certains kuffars même lorsqu'ils traduisent le shahada de la ilaha illallah, ils disent il n'est de Dieu que Dieu, il n'est de Dieu que Dieu. Il y en a qui disent il n'est de Dieu que Allah, ou il n'est de divinité que Allah. C'est la même chose si tu dis hein, la ilaha mawjoud illallah, il n'est de Dieu que Allah, il n'est de Dieu hein, il n'est de divinité que Allah, ou qui existe excepté Allah. Le cheikh dit cette traduction est une forme de kufr et une forme d'ilhad. Pourquoi? Il dit parce que les divinités qui existent en réalité sont nombreuses. Et on l'a dit tout à l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Hein? Ils ont pris des divinités hein? En dehors d'Allah. Ils en ont pris beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de divinités. Et la preuve aussi, c'est que quand tu regardes les mouchriquins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant et même après, tu trouves que parmi les mouchriquins, il y en a qui adorent des prophètes, il y en a qui adorent des hommes pieux. Il y en a qui adorent des tombes, il y en a qui adorent des anges, il y en a qui adorent des djinns, il y en a qui adorent des idoles, il y en a qui adorent des statues, il y en a qui adorent des pierres, des arbres, il y en a qui adorent la lune, les astres, le soleil, il y en a qui adorent les étoiles, il y en a qui adorent la mer, il y en a qui adorent toutes sortes d'autres choses, hein, des animaux. Et toutes sortes de choses inimaginables, les gens ils l'adorent. Subhanallah. Il y en a même qui adoraient des dattes. Se faisait une divinité avec des dattes, ils l'adoraient. Quand ils avaient faim, ils le mangeaient. Hein? Non. Donc c'est pour dire, que les gens sont capables d'adorer n'importe quoi. Et le cheikh, il dit, donc, c'est la preuve que cette traduction ou cette explication, « La ilaha mawjoud illallah », c'est faux. Parce qu'elle contredit la réalité. Il y a beaucoup de choses qui sont adorées. Hein? Et donc, il existe beaucoup de divinités. Mais le cheikh, il dit, mais parmi ces divinités, il y en a qui est vraie, il y en a d'autres fausses. Celle qui est vraie, la divinité qui est vraie, c'est Allah. C'est parce que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. C'est lui le vrai créateur, le tout-puissant, celui qui a tout créé. C'est lui qui peut profiter et nuire. C'est lui qui contrôle tout ce qui existe dans l'univers. C'est lui qui fait vivre, qui fait mourir et qui va nous ressusciter au jour de la résurrection. Hein? Donc, tout ce qu'il a nié à propos des fausses divinités, c'est justement la preuve qu'elles ne méritent pas d'être adorées. Quand il dit « وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً » ils ont pris en dehors de lui des divinités, hein, ils ont adoré en dehors de lui des choses qui ne peuvent ni créer et qui sont elles-mêmes créées. لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ elles ne peuvent rien créer, elles sont elles-mêmes créées. Comme Jésus. Jésus, alayhi salam, Isa, il ne peut rien créer. Et il est lui-même créé. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا et il ne détient pour lui-même aucun pouvoir de faire du bien, de profiter à quiconque ou de nuire à quiconque. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا et ils ne détiennent pas le pouvoir de faire mourir ou de faire vivre ou de rassembler les morts ou de faire ressusciter les morts au jour de la résurrection. Tout ce qu'il peut faire, Isa alayhi salam, c'est uniquement ce que Allah lui permet de faire et par sa permission. Par exemple, les miracles. Mais sans la permission d'Allah, il ne peut rien faire. Hein? Donc, il ne mérite pas d'être adoré. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shaykh, il dit, فَهَذَا كُفْرٌ وَإِلْحَادٌ لِأَنَّ الْآلِهَةَ الْمَوْجُودَةَ كَثِيرَةٌ مِنْهَا حَقٌ وَمِنْهَا بَاطِلٌ وَقَوْلُ لَا إِلَهَ مَوْجُودٌ إِلَّا اللَّهِ le fait de dire qu'il n'y a pas de divinité qui existe excepté Allah, ou il n'y a pas de Dieu qui existe excepté Allah, ou comme certains le disent, il n'est de Dieu que Dieu, ou il n'est de divinité que Allah. Il dit ça, c'est la réalité de la parole des gens d'hérésie et d'égarement qui appellent à ce qui est connu sous l'appellation de Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il croit que tout ce qui est adoré, c'est Allah. Tout ce qui est adoré est Allah. Parce qu'ils disent, il n'y a de divinité qui existe excepté Allah. Hein? Il n'y a pas de divinité qui existe excepté Allah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les choses que les êtres humains adorent sont Allah. C'est ça que ça veut dire. Si tu le prends dans ce sens-là, ça peut impliquer ce sens-là qui est extrêmement dangereux et extrêmement grave. Parce que c'est ça la réalité de la parole des gens de Wahdatul Wujud. Ceux qui ne distinguent pas entre le créateur et la créature et qui considèrent que tout ce qui existe est Allah. Donc que tout ce qui est adoré par les hommes est donc Allah aussi. Et c'est exprimé parfois par l'idée du panthéisme. Hein, le panthéisme, c'est-à-dire de croire que tout ce qui existe fait partie d'Allah et que c'est Allah lui-même. Hein, la terre, les cieux, les nuages, les arbres, les océans, les étoiles, les planètes, le soleil, tout l'univers entier, tout ce qui existe, c'est Allah. Et qu'il n'y a pas de différence entre créateur et créature. Tout ce qui existe n'est qu'une seule existence et tout ce qui existe est Allah. Donc tout ce qui est adoré est Allah, puisque eux ils disent il n'y a de divinité qui existe excepté Allah. Donc ça veut dire que tout ce qui existe, tout ce qui est adoré est en réalité pour eux Allah, puisqu'il n'y a que Allah qui est adoré, hein? Ou il n'y a de divinité qui existe que Allah. Donc pour eux tout ce qui est adoré est Allah. A'udhu billah. Donc cette signification elle est fausse, et cette explication de la phrase de la ilaha illallah et son i'rab en disant mawjoud comme étant son khabar, hein, le taqdir du khabar comme étant mawjoud, ça c'est totalement faux. Et le shaykh il dit wassawabu taqdir bihaq, ay la ilaha bihaqin illallah liyanfi al-aliha allati bil-batil كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فأخبر سبحانه وتعالى أن هناك معبودات وآلهة غير الله عز وجل، لكن كلها باطلة، والإله الحق هو الله. Donc le cheikh il dit, donc le taqdir, qu'est-ce qui est la signification et la position, l'interprétation correcte de la parole de la ilaha illallah, c'est de dire que ce qui est sous-entendu dans, comme étant le khabar dans la ilaha, c'est de dire bihaq, ou bien de dire haqqun ou bihaqqin illallah. C'est-à-dire il n'y a rien qui est adoré en vérité excepté Allah. Il n'y a rien qui est adoré et qui est vrai ou qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est pour nier, hein, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, pour expliquer que ces divinités qui sont adorées en dehors d'Allah sont en réalité adorées dans le faux, et qu'elles sont des fausses divinités. Et le cheikh il dit, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 62 dans sourate Al-Hajj, et cela parce que Allah c'est lui la vérité, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui c'est le faux, et que Allah c'est lui le très haut, le très grand. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il y a des choses adorées en dehors de lui, et qu'il y a des divinités en dehors d'Allah, mais elles sont toutes fausses. Et que la seule divinité qui est vraie et qui mérite l'adoration, c'est Allah seul. C'est ça la signification. C'est comme une fois, hein, je discutais avec un parmi les égarés, hein, parmi les gens de l'égarement et de l'ignorance, les gens qui appellent à l'ignorance et qui suivent leur passion, et qui suivent leur passion et l'égarement, qui essaient de faire croire aux gens que les juifs et les chrétiens sont des croyants. Alors, quand je lui dis, hein, quand je lui dis, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que les juifs et les chrétiens sont des kuffars. Hein, et la même chose pour les autres mushrikin, les hindous, les bouddhistes. Et la personne qui me, elle me répond et elle me dit quoi? Elle me dit, mais ils sont pas des mécréants parce qu'ils croient en quelque chose. Donc ils sont des croyants. Sauf qu'ils ne croient pas en la même chose que nous. Donc c'est comme s'il essaie de relativiser entre le fait d'être croyant en l'islam et le fait d'être croyant en d'autres que l'islam. Et comme si pour lui, les deux sont équivalents, puisque c'est de croire en quelque chose. Et que du moment que tu crois en quelque chose, c'est-à-dire peu importe quelle chose, hein, du moment que tu crois en une chose quelconque, alors ça fait de toi un croyant. Mais c'est pas ça ce que signifie d'être un croyant, hein, en réalité, selon ce que Allah nous a révélé dans le Coran et dans la Sunna. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qu'il a qualifiés de mu'minin, de croyants, sont ceux qui croient uniquement en la vérité et non pas de considérer comme étant croyant tous ceux qui croient en une chose quelconque, même si c'est ce qui, même si ce en quoi ils ont cru est faux. Hein? Et c'est quoi la preuve de ça? Le verset 52 dans Sourate Al-Ankabut. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Verset 52 dans Sourate Al-Ankabut. Allah subhanahu wa ta'ala dit: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Ça veut dire: et ceux qui ont cru en le faux et qui ont renié la foi en Allah, alors ceux-là sont les perdants. Ça veut dire que ceux qui ont cru en le faux sont des koufars. Même s'ils ont cru en quelque chose, ça ne fait pas de des croyants, dans le sens que leur croyance les sauve au jour de la résurrection. Cette croyance qu'ils ont ne peut pas les sauver au jour de la résurrection, parce que cette croyance qu'ils ont, elle est fausse. Ils croient en ce qui est faux. Et donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Et ceci, c'est parce que Allah, c'est lui qui est la vérité, et ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah, c'est le faux. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Et ceux qui ont cru en ce qui est faux et qui ont renié Allah, alors ceux-là sont ceux qui sont les perdants. Donc c'est pas uniquement le fait d'être un croyant en n'importe quoi qui peut faire de toi quelqu'un qui est sauvé au jour de la résurrection, quelqu'un qui gagne au jour de la résurrection. Si tu crois en ce qui est faux, tu fais partie des perdants, même si tu crois. Parce que le but, c'est pas juste de croire en n'importe quoi ou en une chose quelconque. Hein? La foi, c'est une foi en quelque chose de spécifique. C'est une foi en quelque chose qui est défini. C'est pas de croire en une chose qui est floue ou vague ou indéfinie ou qui a pas été clarifiée. Non, la foi en islam, elle a été détaillée, clarifiée, expliquée de façon claire et explicite. Ce en quoi nous devons croire a été expliqué, et ce en quoi nous ne devons pas croire a été expliqué aussi. Hein? Et c'est pour ça que les ulama, ils disent que le témoignage de la ilaha illallah, il est basé sur deux piliers qui est al-nafy wal-ithbat, la négation et l'affirmation. Et que de la même manière que pour être un croyant, tu dois croire en Allah et tu dois en même temps aussi rejeter et te désavouer du kufr et du shirk et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et les ulama, ils disent donc tu dois renier le tarot. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit: faman yu'min bil le verset c'est quoi? Yani la ikraha fi din qad tabayyana ar-rusul min al-ghayb faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa faman yakfur bit-taghut. Donc si tu es un mu'min, tu dois renier le taghut, tu dois rejeter le taghut, tu dois refuser de croire en le tarot. Et le tarot, c'est quoi? C'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Wa yu'min billah. Et tu dois croire exclusivement et uniquement que Allah seul mérite d'être adoré. Alors, à ce moment-là, tu t'es accroché à l'anse la plus solide. L'anfisama laha. Il n'y a aucune faille, aucune, fissure dans cette anse-là. Donc ça, c'est important de le comprendre, parce qu'il y a des gens à notre époque, ils jouent avec les mots, ils jouent avec les sens, ils essaient de déformer la réalité de la religion pour égarer les gens, nasallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit, وَكَذَلِكَ الَّذِي يُفَسِّرُ لَا إِلَهِ أي لا قادر على الاختراع إلا الله كما يقوله علماء الكلام فهذا أيضا تفسير باطل لأن هذا لا يزيد على توحيد الربوبية ولا إله إلا الله إنما هي في توحيد الألوهية فلا إله أي لا معبود لأن الإله معناه المعبود والمعنى لا معبود بحق إلا الله هذا هو تفسيرها الصحيح. Donc le cheikh il dit, donc il y en a d'autres également qui interprètent et qui expliquent la ilah en disant qu'il n'y a rien ou il n'y a personne qui a le pouvoir de créer excepté Allah. Ça c'est les théologiens, hein, les théologiens ou bien ceux qu'on appelle ulama ul kalam, les gens qui se spécialisent dans la théologie spéculative ou rationaliste, qui se basent sur la philosophie et la logique grecque pour essayer de comprendre Allah et de définir qui est Allah et pour essayer de comprendre comment on doit croire en lui. Au lieu de se référer à la révélation et de se baser sur la révélation, eux ils disent non, on n'a pas besoin de ça. Platon et Aristote ont tout expliqué pour nous, on n'a pas besoin du Coran et de la Sunna, on a juste besoin de la logique des Grecs, hein, des philosophes. C'est eux qui nous expliquent comment on doit croire en Allah, pas les prophètes, nasallallahu alayhi wa sallam, hein. Et donc eux ils laissent de côté le Coran et la Sunna. Ils disent, nous on en a raison, on a notre tête, ça suffit, notre tête est capable de comprendre qui est Allah et comment croire en lui. Alors, quand ils parlent de la ilaha illallah, ils disent, la ilaha, ilaha ça veut dire celui qui a le pouvoir de créer. Et donc ça veut dire, la ilaha illallah, ça veut dire personne n'a le pouvoir de créer excepté Allah. Hein? Est-ce que ça c'est vrai ou c'est faux? Ok, non, c'est dans un sens, comme tu dis, l'être humain peut aussi créer des choses, mais c'est certain que seulement Allah subhanahu wa ta'ala peut créer à partir de rien. D'accord? Donc, si on disait rien, personne ne peut créer à partir de rien excepté Allah, est-ce que ça ce serait vrai ou ce serait faux? Personne ne peut créer à partir de rien excepté Allah. Ça c'est vrai. Sauf que, est-ce que c'est ça la signification de la ilaha illallah? Pourquoi? Parce que, en réalité, quand tu dis, personne ne peut créer à partir de rien excepté Allah, ça ne dépasse pas la signification de tawhid al-rububiyya. C'est-à-dire que, même les mushrikins de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient en cet aspect de la foi en Allah, que Allah existe, qu'il est le seul qui a le pouvoir de créer et que c'est lui qui est le maître de toutes choses. Donc si tu dis la qadir ala l'ikhtira' illallah, personne qui a le pouvoir de créer à partir de rien, à partir du néant excepté Allah, cette parole elle est vraie, sauf que ça n'exprime pas du tout le vrai sens de ce témoignage de la ilaha illallah, puisque les mushrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient déjà la qadir ala l'ikhtira' illallah, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà d'accord avec cette phrase ou ce sens. Et si ce qui était voulu ou ce qui était sous-entendu par le témoignage de la ilaha illallah, c'était d'affirmer que seul Allah a le pouvoir de créer à partir de rien, eh bien les mushrikounes n'auraient jamais refusé de le prononcer. Au contraire, ils l'auraient affirmé, comme ils l'ont affirmé à plusieurs reprises dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné à leur sujet dans le Coran. Puisque lorsqu'on voit dans de nombreux versets dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Hein? Donc, il y a beaucoup de versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Si tu leur demandes qui les a créés eux-mêmes, ils vont dire Allah. Hein? » Il y a un verset qui dit « Dis, ô Muhammad, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre ?» Dis, ô Muhammad, à ces mushrikines, pose-leur la question. Qui vous donne votre subsistance ? قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre ? أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ. Hein? Et qui détient l'ouïe et la vue ? L'ouïe et la vue. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Et qui fait sortir le vivant du mort ? Et qui fait sortir le mort du vivant ? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. Et qui contrôle et administre tout ? فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ. Alors ils vont dire, c'est Allah. Hein? فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Alors, il dit, alors dis-leur, n'allez-vous pas, hein, vous protéger, vous préserver d'Allah ? Dans le sens que, vous dites que c'est Allah seul qui détient le risque pour vous, qui détient l'ouïe et la vue, qui fait sortir le vivant et le mort, qui fait sortir le mort du vivant, hein, qui fait sortir le vivant du mort et qui fait sortir le mort du vivant, et qui gère et qui administre tout. Vous dites, oui, c'est Allah. Puis après, vous délaissez Allah et vous allez adorer d'autres que lui. Est-ce que vous n'allez pas vous craindre Allah ? Est-ce que vous n'allez pas vous préserver d'Allah et de son châtiment en cessant de faire le shirk, en cessant de vous contredire de cette manière ? Ça, c'est la preuve. C'est la preuve que les mushrikines, ils croyaient que c'est Allah le seul maître, le seul créateur, le seul qui donne la subsistance. Ils croyaient parfaitement en la rububiyya. Naam, dans le Qawaid al-Arba'a, le Cheikh il a mentionné ce verset dedans, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc c'est pour dire que si la signification de la ilaha illallah c'était telle que les Asha'ira et les Maturidiya, hein, ils le prétendent, et telle que les Mu'tazila et les gens de Bid'a de des Jahmiya, des Mu'tazila, des Asha'ira et des Maturidiya, ceux qu'on appelle Ahlul Kalam, c'est eux. Et la majorité des musulmans sur terre, malheureusement, dans les grandes universités des pays musulmans qui sont sur la croyance des Asha'ira, ils ont cette interprétation de la ilaha illallah. Naam. Tu vas à l'Azhar, c'est ça qu'ils enseignent. Naam. Tu vas au Maroc, dans les universités, hein, dans les universités, par exemple, je pense à Fas, il y a une université musulmane là-bas. Je pense à, j'ai oublié le nom, Al-Qayrawan. Non, pas Qayrawan, ça c'est en Tunisie. Hein, l'université d'Al-Qayrawan, et en face il y a une autre, en tout cas j'ai oublié le nom. Tu vas aller dans ces pays-là, ils enseignent la aqida ash'ariya. Tu vas aller au Pakistan, en Inde, en Turquie, ils enseignent la aqida des maturidiya. Hein? Et qu'est-ce qu'ils disent quand ils expliquent la ilaha illallah? Ils disent la qadir ala l'ikhtira' illallah. C'est comme ça qu'ils l'expliquent. Et ça c'est tawhid ar-rububiyya. Et c'est la même chose que les mouchriquines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient déjà affirmé et accepté. Et le cheikh il dit, la vraie signification de la ilaha illallah, ce n'est pas la rububiyya, mais c'est plutôt le tawhid al-uluhiyya. Hein? Parce que la ilaha, ça veut dire la ma'boud. Puisque al-ilaha signifie dans la langue arabe al-ma'boud, c'est-à-dire ce qui est adoré. Donc la signification de la ilaha illallah, c'est la ma'boud bi haqq illallah. Il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de chose qui est adorée et qui mérite de l'être ou qui est vraie, excepté Allah. Et c'est ça l'explication vraie et correcte du témoignage de la ilaha illallah. Et il y a ensuite une question qui a été posée au Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, en note de bas de page. Il dit « وَسُئِلَ شَيْخُنَا حَفِظَهُ اللَّهُ عَمَّنْ يَقُولُ إن معنى لا إله إلا الله أي لا مشرع إلا الله فأجاب هذا غلط حصر معناها في المشرع أو الحاكمية هذا غلط بل التشريع والحاكمية نوع من معاني لا إله إلا الله أو فرد من أفراد معاني لا إله إلا الله بل المراد منها إفراد العبادة وترك عبادة ما سواه. Donc le cheikh il explique, on lui a posé la question, est-ce que la signification, celui qui dit que la signification de la ilaha illallah c'est de dire qu'il n'y a pas de législateur excepté Allah, hein? Le cheikh il dit ça c'est une erreur dans l'explication de la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que de restreindre, hein, la signification de la ilaha illallah au musharri', hein, au législateur, ou al-hakimiyya, c'est-à-dire le fait de dire que c'est seul, il n'y a pas de juge, hein, excepté Allah, ça c'est une erreur. Parce que en réalité, que ce soit le fait de légiférer ou que ce soit le fait de juger, ça fait partie des significations de la ilaha illallah, mais c'est un des aspects de la signification de la ilaha illallah. Ou c'est un des éléments qui compose la signification de la ilaha illallah, mais ce n'est pas la signification globale et complète de la ilaha illallah. La signification complète et générale de la ilaha illallah, c'est que de rendre l'adoration exclusive à Allah et de renier et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, hein? Et de prendre Allah comme juge, de prendre Allah comme législateur, ça c'est une adoration et ça fait partie, hein, des différentes adorations. Donc on fait pas de chaque adoration une catégorie différente de tawhid. Hein? Comme si par exemple tu dis que nous on dit par exemple tawhid, hein? Tawhid al-ubudiyya, tawhid al-ibada, tawhid al-asma al-sifat, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibada, tawhid al-uluhiyya, ça c'est la même chose, les deux c'est la même chose, c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration. Tawhid al-asma al-sifat, c'est l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs. Et tawhid ar-rububiyya, c'est l'unicité d'Allah dans la seigneurie, hein, et dans, hein, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est le maître suprême et le créateur de toutes choses. Donc ça c'est les trois catégories de tawhid. Maintenant, parmi les formes de tawhid al-uluhiyya, de l'adoration, tawhid dans l'adoration, il y a différentes adorations, hein. L'amour c'est une adoration, la crainte c'est une adoration, le tawakkul c'est une adoration, le raja c'est une adoration, le sujoud c'est une adoration, le rukur c'est une adoration, le salat c'est une adoration, le zakat c'est une adoration, hein. Toutes ces choses là sont des adorations. Prendre Allah et de juger selon sa sharia et prendre Allah comme législateur, ça c'est une adoration, hein. Quand tu juges par la loi d'Allah, c'est une adoration. Et donc tu ne vas pas faire de toutes ces différentes catégories d'adoration une catégorie différente de tawhid, hein. Tu ne vas pas dire tawhid al-tawakkul, tawhid al-mahabba, tawhid al-khawf, tawhid al-raja, tawhid al-sujud, tawhid al-ruku', tawhid al-zaka, tawhid al-salah, hein, tawhid al-hajj, hein. Parce que ça c'est des différentes formes d'adoration. Mais quand tu dis Tawhid ou l'ibada, ça englobe toutes ces adorations-là ensemble. Hein? Donc, de vouloir faire de chaque forme d'adoration une catégorie de tawhid différente, yani c'est quelque chose qui est yani une chose que les ulama n'ont pas fait. C'est une chose que les ulama n'ont pas fait. Mais on sait très bien que ces choses-là font partie du tawhid. Hein? Que ces choses-là font partie du tawhid. Donc, de croire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul maître, le seul juge, le seul législateur, ça fait partie de al-rububiyya et ça fait partie aussi de al-uluhiyya dans le sens que on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala par le fait de croire en ça, de croire qu'il a ces noms-là et ces attributs-là et qu'il a yani qu'il est le seul qui juge et qui légifère. Et en même temps, lorsque on juge par sa charia, lorsqu'on applique sa charia, ça aussi ça fait partie des adorations. Donc ça touche aux différentes catégories de tawhid, mais on va pas en faire une catégorie séparée de tawhid. Et ceux qui ont innové cette division ou qui ont rajouté ces catégories de tawhid, ils ont dit le tawhid est de quatre catégories ou de quatre yani, ils ont dit il y a quatre catégories de tawhid. Ils disent tawhid al-rububiyya wa tawhid al-uluhiyya wa tawhid al-asma wa sifat. Puis ils ajoutent une quatrième, ils disent tawhid al-hakimiyya. Et ça, cette quatrième catégorie de tawhid, pourquoi ils l'ont rajouté? Les ulama, ils ont expliqué en fait. C'est que la raison pour laquelle les hizbiyin, en général, c'est eux qui ont rajouté cette catégorie-là, pourquoi ils l'ont rajouté? C'est pour pouvoir se concentrer sur le takfir des dirigeants. Et pour pouvoir se concentrer sur la politique et l'aspect politique. Parce que eux, leur seul but et leur seul intérêt, hein, lorsqu'ils enseignent le tawhid, c'est pas d'expliquer le droit d'Allah qui est exclusif d'être adoré. Leur but, c'est uniquement d'utiliser ça comme un prétexte pour faire le takfir des dirigeants et pour justifier les révoltes et les coups d'État et les révolutions. Et le fait de disputer à ceux qui sont au pouvoir l'autorité et le pouvoir qu'ils possèdent. Alors que les ulama et les prophètes et les messagers d'Allah, lorsqu'ils ont appelé au tawhid, ils n'ont pas appelé à prendre le pouvoir ou à dire il faut accepter que, hein, il faut juger par la charia en premier. Est-ce que les prophètes d'Allah, quand ils sont allés voir les peuples, la première chose qu'il leur a dit, quand il les a appelés à l'islam, c'est de dire, il faut accepter que on doit juger uniquement par la charia d'Allah, alors qu'ils sont en train d'adorer des idoles? Bien sûr que non. La première chose qu'ils les ont appelés à faire, c'est d'adorer Allah seul et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et on voit l'exemple de ça quand Moussa alayhi salam a été envoyé à Pharaon. À quoi il l'a appelé en premier? À accepter que Allah seul mérite d'être adoré et que tout ce qui est adoré en dehors de lui c'est faux. La même chose pour Ibrahim alayhi salam, la même chose pour Nuh alayhi salam, la même chose pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Isa, tous les prophètes qui ont été envoyés à leur peuple. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Quraysh, est-ce que la première chose qu'il a dit à Quraysh, c'est de dire, il faut accepter qu'on doit juger uniquement par la charia d'Allah? Hein? Al-Hakimiyya. Hein? La Hakimiyya illa lillah. Non, c'est pas par ça qu'il a commencé. Il a commencé par la ilaha illallah. C'est-à-dire, tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, c'est faux. Et vos idoles, et vos divinités, et tout ce que vous adorez en dehors d'Allah, ça c'est batil. Puis après, il les a appelés à accepter ça. Une fois qu'ils ont accepté ça, après il leur explique les autres règles de l'islam, les piliers de l'islam. et les principes de l'islam et les lois de l'islam par la suite. Donc c'est pour dire que il y a des gens aujourd'hui qui ne comprennent pas ça et qui pensent que la priorité c'est d'appeler à la hakimiyya. Pourquoi? Parce que ça leur permet de rentrer dans la politique et de jouer avec ça. Pourtant, quand tu regardes, par exemple, il y a des gens qui ne comprennent pas ça, c'est que même si, supposons qu'il y a un pays qui accepte d'appliquer la charia, et qui disent, nous, on va juger par les lois d'Allah. Par exemple, supposons qu'un pays comme la France, on va dire qu'un pays comme la France disait, on va adopter toutes les règles civiles de l'islam. Et toutes les lois et les punitions et le code pénal islamique, supposons. On sait que ça c'est des choses qu'ils accepteront pas, mais supposons. Ou bien, par exemple, ils vont dire, on va accepter que tout le système bancaire soit basé sur la charia de l'islam. Est-ce que ça... S'ils acceptent ça, sans accepter le tawhid, sans accepter la ilaha illallah, sans renier ce qui est adoré en dehors d'Allah, est-ce que ça fait d'eux des musulmans? Non. Le fait de couper la main des voleurs, de lapider ceux qui font l'adultère, ou d'interdire le riba, ou d'ordonner aux femmes de se voiler, tout ça, c'est des choses qui font partie de la charia de l'islam et qui font partie de l'islam. Mais s'ils n'ont pas accepté le tawhid, tout ça, ça n'a aucune valeur. Même s'ils font la salat 5 fois par jour, même s'ils font le jeûne du ramadan, même s'ils font le hajj à la Mecque, même s'ils payent la zakat, s'ils n'ont pas compris et appliqué et accepté la ilaha illallah, et que ça signifie qu'on doit adorer Allah seul et qu'on doit renier tout ce qui est adoré en dehors de lui, s'ils n'ont pas accepté ça, tout le reste n'a aucune valeur. Donc, on voit maintenant et on comprend pourquoi les messagers d'Allah, lorsqu'ils ont commencé leur da'wah et lorsqu'ils ont enseigné l'islam, ils n'ont pas commencé par autre chose que d'expliquer la réalité de la signification de cette parole-là. Et c'est ça le plus important et le plus fondamental. Tout le reste, ça vient après. Et on voit donc la raison pourquoi ceux qui appellent à ces idées-là ou à ces principes-là, en réalité, ils cherchent à déformer le sens de la ilaha illallah pour justifier certains égarements. Ceux qui disent par exemple que la ilaha illallah, ça veut dire que nul n'a de pouvoir de créer à partir de rien excepté Allah. Quand ils disent que c'est ça la signification de la ilaha illallah, c'est en même temps pour se permettre de continuer à prier des morts, à adorer des tombes et à faire des pèlerinages aux saints et à dire que ça c'est pas du shirk. Parce qu'ils disent, ça c'est pas du shirk parce qu'on ne croit pas que le wali il a le pouvoir de créer, c'est seulement Allah qui a le pouvoir de créer, donc quand on l'adore en dehors d'Allah, étant donné qu'on sait que c'est seulement Allah le créateur, donc ça veut dire que ce qu'on fait c'est pas du shirk. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit pas d'eux qu'ils croyaient que leurs idoles avaient le pouvoir de créer. La preuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ » Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intermédiaires, nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc ils savaient très bien que ces statues et ces idoles n'ont aucun pouvoir de créer, de nuire ou de profiter. Que c'est seulement Allah qui a ce pouvoir-là. Mais ils les prennent comme intermédiaires pour se rapprocher d'Allah, parce qu'ils pensent que parce qu'ils sont plus près d'Allah, ils peuvent les aider à se rapprocher d'Allah. Comme il mentionne dans l'autre verset, يعني والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. On les adore uniquement pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Donc ça veut dire qu'ils disent pas ces idoles-là, elles ont le pouvoir de créer quelque chose ou de faire quelque chose. C'est seulement Allah qui peut créer, mais nous on les prend comme des intermédiaires, des intercesseurs. Et si vous allez voir en aide les gens qui prient à des statues et qui prient à des idoles et qui prient à des animaux et qui adorent des animaux, si vous leur demandez, est-ce que vous pensez que cette vache, que ce singe, que cet éléphant ou que cette statue, que c'est elle qui a créé le ciel et la terre? Ils vont dire, bien sûr que non. On n'est pas stupide. On sait très bien que cette statue-là, on l'a fait nous-mêmes avec nos mains. Hein? On a créé le moule, on a mis le ciment à l'intérieur, ou bien la substance, on l'a mis à l'intérieur, ou bien on l'a gravé, on l'a sculpté dans le rocher ou dans du bois, et puis on a fait à partir de cet arbre ou de cette pierre, on a fait une statue avec. C'est nous-mêmes qui l'avons fabriquée, on sait très bien. C'est pas cette statue qui a créé les cieux et la terre. Hein? C'est pas cette vache qui a créé les cieux et la terre, on sait très bien ça. Mais on les prend comme des points de concentration pour la prière, ou bien on les prend comme des intercesseurs ou des intermédiaires, parce qu'on croit que, comme ils disent, ils croient que Allah est à l'intérieur de ces choses-là, puisqu'il est dans tout. Et donc, ils passent par ça pour adorer Allah. Et c'est ça la base même de leur shirk. Donc, le fait de dire qu'il n'y a nul ne peut créer excepté Allah, ou il n'y a de divinité qui existe excepté Allah, tout ça, ça c'est pas la vraie signification de la ilaha illallah, c'est des déformations du sens de la ilaha illallah. Et le cheikh il dit ensuite, illa adatu istithna tanfi ma qablaha wa tuthbitu ma ba'daha nafat al-aliha al-ma'buda بالباطل وأثبتت الإله الحق وهو الله عز وجل والمستثنى إذا كان المستثنى منه منفيا جاز فيه الرفع والنصب والمستثنى منه هنا منفي بلا فيجوز في المستثنى الرفع والنصب والرفع أظهر. Donc le cheikh il dit le terme إله, le terme illa, la ilaha, on a dit la c'est la nafiyatu lil jins ta'mal amala in, tansib al ism wa tarfa' al khabar. Et on a dit que le khabar, que on a dit que lafdul jalal Allah mabni, pardon, on a dit que al ilah mabni ala al fath fi mahall nasb. Et ensuite illa, ça c'est adat istithna, c'est-à-dire c'est l'élément par lequel on fait une exception ou on établit une exception, c'est-à-dire que on va nier tout ce qui est mentionné avant illa et on va affirmer tout ce qui est mentionné après. Donc il n'y a rien qui mérite d'être adoré, en vérité, excepté ce qui est mentionné après Illah, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, lafzul jalala. Et donc ici, on a nié tout ce qui est adoré parmi les divinités qui sont adorées parmi les hommes, en dehors d'Allah. Toutes ces divinités-là sont adorées dans le faux. Et on affirme que la seule divinité qui est vraie et qui mérite d'être adoré, c'est seulement Allah, le Créateur et le Maître de tout. Donc, ce qui est mentionné comme étant l'exception dans cette phrase, le cheikh, il explique qu'il peut être, s'il est manfi, eh bien, c'est permis de le mentionner comme étant marfou ou mansoub. Parce que le mustathna, qu'est-ce qui a été mentionné comme étant l'exception dans cette phrase? C'est l'exception d'une négation. Et dans ce cas-là, il est permis que ce soit marfou ou mansoub. C'est-à-dire, on peut dire « la ilaha illallah » ou bien « la ilaha illallah ». Et il dit qu'est-ce qui est le plus courant et le plus apparent? C'est « arraf », c'est-à-dire « la ilaha illallah ». « La ilaha illallah ». Donc ici le cheikh il mentionne ça. Ensuite après avoir cité le verset qui qui donne le même sens de cette signification du terme la ilaha illallah, le verset 62 dans sourate al-Hajj. Ceci parce que Allah, c'est lui qui est la vérité, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux, et que certes Allah, c'est lui le très haut, le très grand. Le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il explique ça en disant: هذه الآية تفسير لا إله إلا الله ذلك بأن الله هو الحق وهذا معنى إلا الله وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وهذا معنى لا إله. فهي فسرت لا إله إلا الله تماما. Donc le Cheikh explique que la ilaha illallah, elle est traduite dans ce verset 62 en surat al-Hajj, parce que lorsque Allah dit ذلك بأن الله هو الحق, ça c'est l'exception, c'est-à-dire ceci c'est parce que Allah est certes la vérité, donc ça signifie illallah, hein, c'est l'affirmation. Et ذلك وأن ما يدعون من دونه هو الباطل, ça c'est la négation, tout ce qui est adoré en dehors de lui c'est le faux, illallah, hein, ça c'est la ilah. Et ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah, en dehors de lui, c'est le faux. Ça, c'est la même signification que la ilaha haqqun. Hein? Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est bâtil, est faux. Donc, il n'y a rien de ça qui mérite d'être adoré. Et donc, ça, c'est ce qui nous montre que l'interprétation et l'explication de la ilaha illallah de façon claire et totale. C'est-à-dire que c'est comme si on paraphrasait le sens du témoignage de la ilaha illallah dans ce verset-là. Donc, quand les ulama du tawhid, les ulama de la sunna, quand ils ont voulu expliquer aux gens la signification de la ilaha illallah, ils ne se sont pas basés sur la philosophie ou sur leur propre déduction, ils se sont basés sur l'explication. Ils se sont basés sur l'explication que Allah lui-même a donnée de ce témoignage-là dans les versets du Coran. D'accord ? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera cette explication plus en profondeur encore dans les cours qui vont suivre, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.